J'ai besoin de prendre ma dose, branche mon cœur en XLR. J'ai besoin de porter un toast. Big up l'ingé qui mixe sévère. Allez, je kick sévère. C'est lui qui dira qu'on est des arrivistes. Écoute-moi, vas-y, nique ta mère. J'ai toujours visé le haut avec les moyens du bord. Carte son, microphone, monitor, mon sous-sol en plein essor. Je présente des problèmes d'addiction quand l'instrument monte ses courbes et s'empare de mon corps. Effectivement, on sera en symbiose. Ce que t'entends sont les battements de mon cœur. Ce qui résonne sont les crises de manque. Quand ma plume se raidit, t'as le marmot en pleine sueur. J'ai arraché les sous-vêtements de la jalousie. Elle avait pas de poitrine, pas de cul. J'embrasse fortement mes haters. Pourtant, j'accepte de pardonner. Je veux pas devenir un crève-cœur. Besoin de ma musique, d'affûter la mine, amen. Oh, dribbler sur rythmique, oh, cibler sur des rimes. Décider de prendre des risques, des idées qui défilent, qui passent au mix de mon accosse là, dépendant du chromie. Des tâches donc j'envahis, phrase et cache, regarde un peu. J'allume ta courtoisie, y'aura pas de refrain, j'emmerde la norme. J'gratte comme ça vient, j'emmerde la mode, j'emmerde les codes. Pratiquant d'arabe sans pétasse, j'emmerde l'époque. Dans mon équipe le plus mouillé, bien l'antipop. J'arrête pas de le saucer, crois pas qu'on se tripote. Retrouvez-moi aux antipodes. J'rime grave, c'est bénéfique. Le beat claque, j'suis électrique. Freestyle, c'est magnifique. Possible que j'entende trance. Maîtrise ta panique. Ici, c'est explosif, donc pas d'art plastique. Pas d'armes factices. J'écrase des cartouches dans. Créole est pas docile. Ça mal trop nocif. Tête à tête avec le microphone. On parle à vocal si tu me vois tirer sur la corde. Peut-être qu'on se connaît même pas et que t'entends mon sous-mort. Sur internet ou je ne sais où, t'es posé dans ton salon avec des poteaux. Je m'adresse à toi qui m'écoute. Dis-moi, est-ce que je dépasse les bornes? Rien à foutre du coup, pick-up, mes couches des doubles, doutes s'écartent. Dans la manche, il m'en reste une, j'ai pas joué toutes mes cartes. Du coup, la foule me mate, je suis sur une autre planète, deux pieds sur la scène. Je prends la fusée, je m'évade, je pourrais te faire un choc émotionnel. Je suis pas psychologue, je me verrouille de l'intérieur. L'excédent part, il m'enfoncerait dans la drogue. À qui mon nez comme des gosses, impatient de faire tour du globe dans la tente. Je fais le tour de cette bouteille de rhum. Hors de question de se faire sauter le caisson. Pour ne rien lâcher, y'a mille et une raisons. Nerda, ai-je plié la prod? J'ai du mal à rester droit. À croire que chaque note m'assomme. En studio, je m'investis, je claque mes rimes, je gratte des lignes, je back mes lignes, je casse le rythme. Bien sûr qu'on recherche tous des sommes. Stoppons la modestie, je suis pas le meilleur des hommes. Tous capables de faire du mal, c'est bien ce qui me désole. Je caresse pas dans le sens du poil, vois-tu, je fous le désordre. T'adresses pas à moi, si c'est pour donner des ordres. Pour certains, je suis une crème, pour d'autres, la pire des races. Soit tu m'aimes pour ce que je suis, soit ta route tu traces. Parle-moi pas de tes défaites, ici le doute, je l'écrase. Hey, ici on reste debout, observe ce que je dégage. Je développe la facette du marmot qui maîtrise l'orage. Terminé le chapitre de la cave, j'ai dépassé le rage. À des mots, t'as déchiré, j'ai juste tourné la page. Petit ne m'en veux pas, le temps fait son taf. Crois pas que je suis domptable. Depuis la force des mots, j'affûte la rime. Crois-moi, c'est frontal. Je vais pas cracher dans la soupe si ça devient rentable. Parle avec mes semblables, tous tordus pour 100 balles. J'ai passé trop de temps à siffler le cul de la vieille dans le sandard. Sans blague, tous tes tuyaux, on s'emballe. Qui ne veut pas de leur embarque? Qui se la raconte en bas? Qui parle? Qui taille? Chacun fait ses bails, point barre.